Ta nature est céleste, tu n'es pas terre à terre. Thérésie brûle la teste que je ne peux pas satisfaire. Il fallait que je t'achète la lune quand c'était la mode. Elle coûtait une fortune, les astres ne sont pas en solde. Mais tu es folle. Tu voulais tenter les choses comme vivre sans respirer, mais tu es tombé dans les pommes et j'ai dû te réanimer. Tu voulais voler pour toi, c'était essentiel, mais tu t'es cassé le nez sans même atteindre le ciel. Mais tu es folle. Tu inventais des mots qui ne désignent rien, comme Astarisso ou bien le fier Guadalodin. L'Astarisso embêtait la grue niché dans son siphon, mais un Guadalodin, c'est nul, se prenait pour un Astarisso. Mais tu es folle. Puis un soir, c'était hier, je jouais de la guitare. Tu voulais bouger, brasser de l'air, exigeais que je t'emmène jusqu'à la gare. Tu étais pleine d'entrain et m'a rappelé un vieux gag. Nous avons pris le premier train, espérant qu'il allait jusqu'à Prague. Mais tu es folle, tu es folle, tu es folle. Voilà, voilà, voilà, voilà.